regard vide sur le plafond gris. Une nouvelle date sur mon cellulaire. Ça fait 23 fois que c'est l'hiver. C'est sur mon frère que mon daron crie. Me parlez pas, je suis d'une sale humeur. Tu le connais pas, c'est ça le nord. Viens voir la belle vie d'un solitaire. Et si demain ça marche pas, t'inquiète, j'irai voir le monde, celui sans lumière. En bord de mer, voir les hirondelles, car je sais que mes yeux ne fixeront qu'elles. Les jeunes d'hier connaissaient la mine, pendant que leur père est vite celle au sol. C'est pas le chute qui noircit la leur, c'est pas la pluie qui tombait du ciel. Maintenant les jeunes sont à la ramasse, ils ont des coups de chlasse sous la carapace. Mentalité cocktail au Bahamas, on portait pas de survêt à la base. On rêvait d'être le numéro 10, on pensait pas faire des mélodies. Ouais. Un jour je vais me casser là, faut rien dire à personne. Un jour pour passer le cap, moi la vie je la préfère seule. Un jour je vais me casser là, et je crois que j'ai passé là, je te rien dire à personne. Un jour je vais me casser là, faut rien dire à personne. Un jour pour passer le cap, moi la vie je la préfère seule. Un jour je vais me casser là, et je crois que j'ai passé là, je te rien dire à personne. Un jour peut-être j'aurai des enfants, un chien, une femme, une petite cheminée. Qu'est-ce qu'il y a à Strat, mes deux parents? Deux initiales sur une chevalière. Le stylo vide, les mains salées. Le stylo vide, les mains salées. Rester dans l'ombre pour être célèbre, j'hésite encore comme salive. J'attends toujours que mon soleil s'allume, autant que mon rêve attend que son père soit libre. Douleur frappe quand sa silhouette s'éloigne, un petit sourire comme un dernier salut. Le stylo vide, les mains salées. Et dans ma tête c'est insalubre, rester dans l'ombre pour être célèbre, j'hésite encore. Un jour peut-être j'aurais pris la peine de comprendre pourquoi je me suis pris la tête. Mais que vaut ma peine devant celle d'un frère qui endure la sienne pour remplir l'assiette. Et on prend des claques mais on flanche pas, tu crois encore que je les calcule. Y'a une leçon dans chacune d'elles, on vit un éternel flashback. Un jour je vais me casser là, faut rien dire à personne. Un jour pour passer le cap, moi la vie je la préfère seule. Un jour je vais me casser là, mais je crois que j'ai passé là, je te rien dire à personne. Un jour je vais me casser là, faut rien dire à personne. Un jour pour passer le cap, moi la vie je la préfère seule. Un jour je vais me casser là, et je crois que j'ai passé là, je te rien dire à personne.